détresse, tu me soutiens. Dans le malheur, tu me soutiens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là. C'est pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu éternellement. C'est pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu éternellement. Jéhovah.